Alors, je poursuis. Pour commencer, c'est des mémoires. Pour commencer, on va commencer avec la fin. J'ai un petit mot ici qui s'appelle plus rigide, moins tolérant. Pourquoi toi, tu ne serais pas plus rigide? Est-ce que tu peux être plus rigide? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus je suis rigide, plus je m'entoure de disciples. Alors qu'il faut être, entouré de gens intelligents. Je répète, résumé rapide, là. Oui, mais c'est parce qu'en faisant le contraire... OK, pas de résumé rapide. En faisant le contraire... résume donc rapidement d'abord. Vas-y. Bien. Ça, c'est la manipulation. J'ai remarqué, mais... Tu y arrives toujours. Les gens doivent changer leur carburant. On expliquait que c'est important que ce soit bien compris. Les carburants que l'humain utilise dans l'air du poisson sont des carburants que vous ne voulez plus utiliser. Et ces carburants-là permettent à l'humain d'avancer vers l'avenir. Alors, étant donné que les êtres qui se conscientisent ne veulent plus entendre parler de carburants religieux, spirituels, de pouvoir, d'argent, etc., ou la peur, bien, il n'y a plus de carburant. Donc, vous ne mordez plus dans rien. Alors, ça va être mieux plus tard. Oui. Je veux. Bien, lève-toi puis vas-y. Oui, mais lève-toi puis vas-y. D'un coup, que c'est pas vrai. Il n'y a plus de carburant. Alors que le gars qui fait la révolution, qui est dans le fin fond de la jungle, lui, il y en a un carburant. Celui qui meurt pour la cause, qui meurt pour Dieu, qui va convertir les peuples, il y en a du carburant. Bon. L'être qui se conscientise n'a plus de carburant, et le carburant majeur, on en a énuméré plusieurs, grosso modo, sont des carburants mémoriels. Et les carburants mémoriels, pour traverser la Grande Barrière, ne sont pas bons. C'est-à-dire que le carburant mémoriel vous permet de marcher sur la planète, mais ça ne vous permet pas de voler. Et il faut donc un carburant qui n'est pas mémoriel, un carburant qui est instantané. Mais le carburant qui est instantané nécessite nécessairement un carburateur qui n'est pas attaché à la forme. Donc, un carburant qui va permettre à l'humain d'avancer est un carburant qui ne sollicitera pas de raison. Ah oui, mais qu'est-ce qui me dit que tu veux avoir de la mémoire, de l'antémémoire, tu veux avoir de la mémoire du futur, dans le passé, pour pouvoir te dire, je vais y aller. Et pour l'être qui se conscientise, ben, c'est une mécanique qu'il rejette. Donc, il ne peut pas carburer comme ça. Autre chose, vous, l'humain, vous essayez sans arrêt tous de développer des mécaniques pour ne pas vous voir. Vous détestez au maximum les miroirs. De ce fait, vous allez vous tenir avec des gens qui sont similaires à vous de façon à passer anonyme. Vous allez refuser de rencontrer des gens qui vont parler de vous ou des gens qui vont être suffisamment différents. Parce que vous allez vous retrouver. Et ça, vous ne voulez pas vous voir. Trois... Ou la majorité va se tenir avec du monde moindre, ben, de moindre... Ben, le moindre, c'est que le miroir n'existe pas non plus. C'est de ça. Sorte que c'est ça... Même chose, tout faire pour éliminer le miroir. C'est ça. Troisième point qu'on a vu qui est extrêmement important, c'est que vous allez... Une grande partie de ce que vous détestez fait partie de la solution pour vous aider à progresser. Alors, si vous détestez, et ça, on en a parlé tout à l'heure, par exemple, par rapport à notre ami ici, si Jacques déteste au maximum recevoir des ordres, il aurait probablement un grand chemin de fait s'il accepterait, pendant 3 semaines, 1 mois, d'être sous les ordres complets de quelqu'un. Et comme tout à l'heure, tu disais, « Oh, mais ça bouille déjà, puis on a plein de raisons, puis il n'est pas question d'eux. » Et je reviens là-dessus, observez-vous. Les choses que vous dites « non, ça, il n'y en est pas question » ou « ça, je ne tolère pas ça » font souvent partie de votre solution pour vous permettre d'avancer. Et votre mécanique va donc faire en sorte de rejeter cela parce que justement, ça vous permettrait de bouger. Ensuite, on a parlé d'un paquet d'autres choses. On a parlé de la... Oui, mais c'est là où toi, si tu ne donnais pas le choix... Ou pas le choix, mais tu étais plus, j'appelle ça rigide, mais plus autoritaire. Non, l'autoritarisation qu'on doit créer, qu'on doit faire, ça va être... Ou t'imposer plus. Non. Oui, mais non, parce que là, ça crée des disciples. Ta flamme est beaucoup plus grande que moi, ce que je peux avoir. Ouais. Ou que certains conscientisés peuvent avoir. Oui, sauf que ce qui va arriver, c'est que tu as aussi une grande flamme astrale, puis si au 20e siècle, je m'impose plus, c'est ta flamme astrale que je vais allumer. Moi, la meilleure chose que je peux faire, la seule imposition que je peux faire, ça va être, voici ce qu'il faut faire, voici quand on le fait, Puis toutes les autres, manger de la marde. Je peux me poser comme ça. Je peux pas me poser plus que ça. Je peux vraiment pas m'imposer plus que ça. Parce que là, toi, en donnant beaucoup, beaucoup d'informations, automatiquement, on instruit les deux parties. Ça, c'est officiel, mais le gros du problème, donc je revenais avec le quatrième point, oui. un des quatrièmes points importants à retenir, c'est que vous devez admettre, vous devez être capable de le dire clairement, comment vous êtes. C'est évident, je dois admettre, je dois constater que je suis bâti pour manger de la marde, que j'aime ça et que je veux rester là-dedans. Bon. Vous devez être capable de l'admettre. Mais non, vous voulez tellement refuser de vous voir la face que vous allez dire, ben non, pas ce que je veux faire, moi là. Moi, si je mange des coups sur les doigts, c'est parce que j'aime pas ça. Bon, si je perds régulièrement la loterie, c'est parce que je veux gagner, oui ou non? Tu sais, c'est bien évident. Si je souffre sans arrêt, c'est parce que je vise à ne plus souffrir. Non, ouvrez vos yeux, ouvrez votre cervelle un peu, et vous devez admettre que vous aimez ça, être dans la misère, et que vous êtes tout structuré pour vivre dedans. Je répète encore une fois, pour vous déprimer, pas besoin d'effort. Pour vous remonter, ça prendra de l'effort. Pour manger de la cochonnerie, pas besoin d'effort. Pour manger mieux, besoin d'effort. Pour être en colère, claquer, puis niaiser, puis crier après le monde, pas besoin d'effort. On peut vous piquer ça tout seul. Pour cesser de le faire, besoin d'effort. Pour vous relaxer, besoin d'effort. Pour veiller, pas besoin d'effort. Dans la majorité des cas, tout ce qui vous anéantit, c'est naturel. Tout ce qui vous permet d'avancer, besoin d'effort. Et là, le gros problème, pour certaines consciences, ça revient encore à certaines choses. Il y a des gens qui me disent, « Ah oui, mais moi, je ne vais pas faire d'effort. Il y a d'autres chemins certains. » Ça, ça fait partie de votre haine, de votre solution. Vous devrez faire des efforts, mais pas, c'est pas une question de méritoire. Mais les gens vont trouver, « Ah oui, mais c'est méritoire. Pas de problème. Mange de la marde. » C'est simple. Tu veux pas t'en sortir. Oui, je veux m'en sortir, mais pas comme ça. Le feu est pris dans la pièce, faut que tu sortes en rampant. Un instant, je veux m'en sortir, mais pas en rampant. Mais mange de la marde, brûle. La personne ne veut pas s'en sortir. Et là, elle va nous crier, oui, je veux m'en sortir, pourquoi vous me laissez ici? Puis là, le feu l'entoure, là, rampe. Non! Mais c'est ça. Viens pas me dire que tu veux t'en sortir. Quelqu'un qui veut s'en sortir, il va se déshabiller s'il le faut, il va chanter, il va ramper, il va traverser une fenêtre, il va s'en sortir. Mais l'être humain qui se conscientise, il veut s'en sortir, mais pas à n'importe quel prix. Et il ne veut pas manger de la marde. Et à n'importe quel prix, il va en manger. Aucun problème, là. Par exemple, il y a des individus qui devront... Bon, dans l'air, je vous parle de mécaniques qui doivent être appliquées pour parvenir à s'alimenter à la nouvelle source de carburant. Cesser d'être dans une condition où on le végète. L'être humain qui rejette différentes mécaniques, ça peut être au nom de Dieu, ça peut être au nom de n'importe quoi, observez que les rejets brutaux de certaines mécaniques, et on va dire à quelqu'un, écoute-toi, ce serait bon que tu ailles à l'église probablement 2-3 fois, à l'église, tu fous, il n'y en a pas question. Tu veux même pas essayer voir au con où ça pourrait t'aider? Ça ne m'aidera pas. La plupart de ça, c'est au nom de la conscience. La marde, toi, là, tu es prêt à manger de la marde plutôt que de risquer que ça fonctionne. Mm-hmm. En réalité, tu préfères continuer à être dans la misère plutôt que de risquer qu'en allant à l'église, ça ne change rien. Mais si ça change tout... Ça, c'est au nom de la conscientisation qui y vend pas. Alors que ça serait bon, ça serait bénéfique pour eux. Il y a tellement de choses bénéfiques parce que c'est et banales. Pas, les raisons qu'on trouve, c'est jamais les bonnes raisons. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est qu'il y a des choses extrêmement faciles à faire. Et quand je suggère à des gens, mais regarde, faut essayer, c'est ça, c'est facile. Les gens, je répète encore, l'alcoolique à qui on va dire, bois pas ce verre-là si tu veux te désintoxiquer. L'alcoolique, ce qu'il voit, lui, c'est que tu penses qu'un verre de moins dans ma vie, ça va me désintoxiquer. Je répète, c'est pas ce crise de verre-là, c'est lui et toutes les autres. Même chose, souris, tu vas être mieux. Oh, j'ai souri, là, pas mieux. C'est pas ce sourire-là épais, c'est celui-là, puis toutes les autres. Une question de changer la façon de vivre. Mais il y a des individus qui ne peuvent pas changer leur façon de vivre parce qu'ils ne veulent pas changer leur façon de vivre parce que, justement, ça changeait leur façon de vivre. Alors, le gros problème, ça va être... Et les personnes vont comprendre, tu es alcoolique, moi je vais te dire, reste plus que ce monde-là. Oh, un instant. Si tu penses que m'en faire comme toutes les esties de sectes, de cures, qui obligent les gens à se séparer, pas question. Mais c'est la seule crise de solution. Bon, alors, tu le fais ou tu continues à boire? Mais non, moi, m'en sortir, mais d'une autre façon. Qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi d'une autre façon? Pourquoi voulez-vous vous en sortir d'une autre façon? Pourquoi ne voudriez-vous pas juste vous en sortir? Mais non, vous voulez vous en sortir d'une autre façon. Il y a du monde avec qui je travaille qui me disent ça aussi. Mais ça, c'est toutes des raisons. Pourquoi tu fais ton travail d'une façon plus facile? C'est toutes des raisons pour avoir son miroir. C'est toutes des mangeurs de marde. Bon, c'est ça. Les égos sont toutes croches, toutes pognées. Ça n'a pas de sens. C'est de l'ego qui contrôle. L'humain a de l'intelligence là-dedans. Mais moi, ce que je veux, là, c'est que vous réveillez cette intelligence-là un petit peu à un moment donné. Veux-tu, ne veux-tu pas? Mais oui, je veux! Ben, rampe pour sortir de l'incendie. Pas question que je rampe. Mais au moins, admets que tu veux rester dans le feu. Personne qui va dire, ouais, c'est vrai, si peut-être je veux rester dans le feu. Ben là, tu es en train de réveiller la flamme de l'intelligence qui lui dit, peut-être tu veux rester dans le feu, mon petit tabarnak, mais tu ne resteras pas dans le feu. Mais là, on est en train d'admettre. Sans ça, vous allez continuer à vous faire croire que vous voulez sortir. Puis si vous ne sortez pas, c'est à cause de la vie. Non, vous ne voulez pas sortir. Il faut arriver à l'admettre. Il faut arriver à le voir à un moment donné. Bon, quand j'admets effectivement que je veux sortir d'ici par tous les moyens, sauf un, le seul qu'il y a. Tu sais, pas en rampant. J'ai une jupe. Je suis pas pour ramper. Tu sais, c'est évident. C'est évident. Bon, quand tu vas être mort, tu vas être tenu pareil, tu sais, bon, même te charcuter un petit peu, puis ça te dérange pas, ça, mais ramper, le vivant, c'est un autre problème. L'humain doit être capable d'admettre qu'effectivement, si entre une solution simple et la misère noire, il préfère la misère noire, bien, au lieu d'en déduire que c'est parce que c'est pas la bonne solution, il doit en déduire que c'est parce qu'il veut pas s'en sortir. Mm. Et après ça, comme tout à l'heure, je te parlais, veux-tu t'en sortir? Ben honnêtement, non. Maintenant, veux-tu rester dans la misère? Non plus. Là, on est sur un point où on peut maintenant commencer à te parler, où toi, tu peux venir te raisonner et te dire, mais écoute, le grand, si tu veux pas t'en sortir, tu vas rester ici. Puis si tu veux pas rester ici, ben faut que tu rampes. Et tu peux arriver à raisonner. Mais si au départ, tu te dis, oui, je veux m'en sortir, mais pas en rampant. Comment voulez-vous conditionner votre ego à travailler pour vous permettre de ramper? Impossible. Vous allez attendre l'autre solution. Puis s'il n'y en a pas, paix la vie. Mais c'est paix en ciboire. Parce que c'est pas cette porte-là que je veux, moi. Moi, je veux une autre porte. Moi, je veux une porte qui... Tu ne veux pas t'en sortir. Tu veux pas, c'est tout. Il pleut, il y a un parapluie rose. T'es un gars. T'es pas le problème qu'il y a un parapluie rose. D'abord, tu veux te faire mouiller. Mais non, je ne vais pas me faire mouiller. Mais prends ton parapluie. Oh, c'est pas un parapluie rose. C'est là que je veux que vous compreniez. Branche-toi le cave. Tu veux te faire mouiller. Si tu ne veux pas te faire mouiller, tu te mets un sac à poubelle sur la tête. Mmh. Tu te mets un parapluie rose sur la tête. Tu prends la solution la plus simple, à celle qui est à ta portée, et tu t'en fous. Clic. Parapluie rose, puis tu ne mouilles pas sur la tête. Là, il y a plein d'épais qui veulent qu'ils leur mouillent sa tête, qui se disent qu'ils veulent pas, puis qui vont vous trouver de ta pète en maudit. Ils vont vous trouver de ta pète toute mouillée, puis vous allez être bien au sèche. Mais vous allez préférer, étant donné que vous êtes des humains, être une tapette toute mouillée. C'est tellement... C'est la vie. C'est la normalisation. Oui, mais je m'en fous. À un moment donné, là, il faut que tu dises... Oui, mais je m'en fous. Mais non, ceux qui sont dedans, là... Moi, je m'en fous. Oui, je... Non, je parle pour moi. Ouais, c'est une mise au point. En 94, ceux qui sont dedans, là, ils n'ont pas... On est-tu encore en 94? Oui. Ça a changé. Ah oui, c'est vrai, on est en janvier. Janvier. Bon, OK. Oui, ceux qui sont actuellement, là, les conscientisés, là, on est dedans jusqu'aux oreilles. Puis la petite flamme que j'ai, là, j'ai pas assez. C'est pas vrai, j'en ai assez. Non. C'est parce que c'est ça. Jacques Dussault le dit clairement. Oui. Vous voulez vous en sortir? Vous allez manger de la marde en esti. C'est la seule façon. Et moi, je dis à Jacques, il y a une autre façon. Jacques, il me dit, Daniel, t'as raison, il y a une autre façon. Ils pourront pas passer par là. Fait que moi, je dis, Jacques, il y en a qui peuvent. Jacques, il me dit, non, il n'y en a pas un seul hostie sur la planète, à part peut-être toi, qui va être capable de passer par là. Ils ont tous besoin de misère. Puis moi, en allant me promener en haut, je regarde le paquet de conscientiser en bas et je constate que non seulement vous avez besoin de misère, mais que vous aimez ça et que vous faites tout pour aller pour en attirer. Et là, les gens me disent, non, c'est pas vrai, pas de problème. Vous faites rien, ou à peu près rien, pour vous en sortir, mais vous faites à peu près tout pour rester dedans. Là, lui-même va dire, oui, mais c'est parce qu'on est manipulé. Oui, mais t'es manipulé avec le sourire. Tu sais comment? Le sourire. Moi, là, c'est... Je suis malade parce que je suis manipulé. Mais... En autant qu'on veut être manipulé. T'es manipulé, oui, mais la flamme qui est à l'intérieur, à un moment donné, là, il y a des solutions qui sont banales. Le petit parapluie rose, tu le prends, tu l'ouvres, tu t'en vas. Tu prends le métro, tu sais, le monde. Je répète, cinquième chose sur laquelle je veux qu'on revienne un petit peu, première partie. Vous vous foutez royalement de ce que les autres pensent de vous. Ça, vous devez comprendre clairement ce que je dis. Il n'y a pas un seul ici qui s'intéresse à ce que les autres pensent de lui ou d'elle. Mais vous vous intéressez en sacrament à ce que vous pensez que les autres pensent de vous. Puis c'est juste là-dedans que vous êtes centré. Ça, il faut que ça rentre là. Moi, je vais vous dire, je te fais confiance. Mais vous savez très bien que je ne vous fais pas confiance. Parce que ce que je pense de vous, vous vous en crissez. Ce qui vous intéresse, c'est ce que vous pensez que je pense de vous autres, et vous passez toute votre mécanique de vie à essayer de travailler pour que vous ne pensiez plus que je pense cela ou que l'autre pense cela. Mais ce qu'il pense, vous en foutez. Et lui-même a appelé ça, oui, c'est parce que je n'ai pas confiance en ce qu'il me dit. C'est évident, je n'ai pas confiance en ce qu'il dit. Tu te crises de savoir ce qu'il pense. Tu veux, tu fais confiance à ce que tu penses qu'il pense. Et nécessairement, tout, on envenime, on complexifie toute la relation. J'ai oublié, juste pour vous dire, à un moment donné, quelqu'un me dit, « Hey Daniel, te rappelles-tu la dernière fois quand il n'y a plus, on avait une météorite? » Moi, je dis, « Non, on ne rappelle pas. »« Ah oui, je t'en rappelle, oui ou non? » »« Je m'en rappelle pas. »« Mais oui ou non, mon Dieu niaiseux! » »« Je t'obstine pas! »« Je m'en rappelle pas! » J'ai pas dit que c'était pas vrai. J'ai dit que je m'en rappelais pas. Mais l'autre a l'impression que je l'obstine vu que je m'en rappelle pas. Puis vous faites ça aussi. C'est pas compliqué, les affaires, ça, un peu. Je m'en rappelle pas. Ah, il s'en souvient pas. Parfait. Bon, ben, il y avait mes théories. Tu comptes mon histoire. Que je m'en souvienne ou pas. Si, ça change rien ta vie. C'est pas ça, ça a jamais existé. Non, mais ça change tout de leur vie pareil. Ouais, c'est ça. Tout ça uniquement parce que refus de se voir. Refus d'admettre que vous aimez votre merde. Il y a des gens qui sont dans la misère, puis ils restent dedans. Il y en a qui ne sont pas dans la misère, puis ils s'arrangent pour être dedans. Puis il y en a qui sont tellement pas habiles qu'ils n'arrivent pas à être dans la misère. Fait qu'ils en sont malheureux en ciboire parce que c'est pas correct. Ils sont anormales. Bien là, ils vont appréhender la misère. Puis je peux pas en avoir. Vous devez être capable de vous regarder, de vous voir, puis d'admettre que si ça avance pas, c'est parce que vous voulez pas. C'est pas parce que vous êtes épais, imbécile, trou de cul, c'est pas ça du tout. Moi, c'est évident que si je veux m'en sortir, je m'en sors. Donc, si je m'en sors pas, c'est que quelque part, je veux pas. C'est évident. Il faut pas être un grand psychologue, c'est évident. Bon. Vous voulez être heureux? Vous voulez être heureux? C'est pas de problème. Souriez. Ah oui, mais la vie est pas... Vous voulez pas être heureux. C'est bien simple. Non, je veux, moi, là, mais c'est parce que si tout l'univers changerait, je pourrais l'être. L'univers va changer au complet, et pour rien. Tu vas continuer à avoir l'année de la mine à terre. Donc, quelque part, il faut être capable, soi-même, d'admettre qu'effectivement, on veut pas. On veut pas. Il y a une partie chez nous qui veut. Mais si la petite partie chez vous qui veut se changer, s'en sortir ou améliorer les choses, cette petite partie-là, finalement, sert surtout à la structure de l'ego pour faire croire à l'ego que lui aussi il veut, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous illusionnez d'être rendu à certains niveaux et, snobement parlant, parce que vous pensez être rendu à certains niveaux, vous ne voulez plus faire ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ces niveaux-là ou de bénéficier de ces niveaux-là. C'est tellement, tellement, tellement, tellement niaiseux. Écoute, t'as mal aux dents, ben fais ça. Puis, c'est pas une question que t'as pas confiance en moi. C'est une question que tu veux avoir mal aux dents si tu le fais pas. Parce que, puis ça, c'est le mot du problème. Vu que pour la majorité des gens qui se conscientisent deviennent mentales, les gens qui sont mentales ont un raffinement fou. Ils ont le tour. Ils sont capables de trouver des raisons par-ci, par-là. Oui. Écoute, il y a plus 45 fois que tu n'as jamais mis le maudit parapluie rose. La seule fois que tu voudrais le prendre, il est cassé. Puis là, tu te dis, ben oui, mais tu vois pourquoi je ne l'ai jamais mis? Pourquoi je ne l'ai jamais pris? Il est cassé. Mais non, toutes les autres fois, il n'était pas cassé. Ah, oh, mais il aurait cassé, je le sais. Peut-être avec la niaiserie tout le temps. C'est comme ceux qui ont mal aux dents. S'ils veulent pas se faire réparer, c'est parce qu'ils n'auront plus de raison après pour... Ben, quelque part, en tout cas, il faut continuer. Que la personne, elle se dise simplement, t'en occupes-tu? Non. Donc, t'aimes ça de même. Ah non, j'aime pas ça de même. J'aimerais mieux, moi, que ce soit parfait, puis que j'aille rien à faire pour que ce soit parfait. Mm-hmm. Oui. OK. Mais c'est pas le cas. Hein? C'est pas le cas. Ben, il fallait. Et c'est pas parfait, et tu peux faire quelque chose. Et la personne, c'est ça. Moi, je veux sortir du feu, mais en hélicoptère. Ouais. Oui, je comprends. Mais il y en a pas. Faut que tu rentres. Faut que tu rentres. Mais elle brûle. Puis c'est une personne qui est consciente, qui est parfaite. Elle est convaincue qu'elle est correcte. Elle ne fera pas ramper. Ça a même un maudit bebel. Au moins, elle n'aura pas rampé dans sa vie. Elle n'aura pas rampé. Elle sera partie en fumée, mais elle n'aura pas rampé. Je vais passer à du monde que je connais. Que tu connaissais? Je connaissais. Parce que si tu seras partie en fumée... C'est très important de... Moi, je vous répète que dans le futur, il y a énormément de gens agonisants qui sont en phase terminale. Dans quelques années, ces gens-là ne sont jamais venus au monde. Parce que leurs ancêtres, ici, laissent progressivement la petite flamme s'éteindre. Puis c'est pas une question de faire peur ou de quoi que ce soit, c'est une question de mécanique. Et pour éviter ces mécaniques-là, c'est pas une question d'éviter, c'est que moi, ce que je veux parler à cette petite crise de flamme-là qui vous habite, pour lui dire, comme on disait tout à l'heure, à part du futur, elle descend ici, puis elle pense que le feu va prendre tout seul. Je suis en train d'y expliquer, moi, là, que si tu veux que ça brûle en bas, là, faut que tu mettes un peu plus d'énergie. Parce que ça, en bas, là, ça marche pas fort. Ça tire pas fort, en tout cas. Le canal, il a l'air d'être obstrué pas mal. Ou lâcher d'en perdre. Chose est certaine, c'est qu'il faut absolument que les individus que se réveillent au niveau de leur intelligence. Et quand tu as la possibilité d'une solution à un problème, entre la possibilité que ça ne fonctionne pas, donc que ça fonctionne, et la certitude qu'en ne faisant rien, il ne va rien se passer, bien, vous choisissez toutes de rien faire. D'où la déduction, vous aimez ça, la merde. La personne va dire, non, c'est à cause que c'est ça, causé. Mais en attendant, vous allez rester dans les trous. Essayez-le. Ouais, mais qui te dit que ça va marcher? Si tu n'essayes pas, c'est garanti que ça ne marche pas. Okay, je veux que vous compreniez le principe, c'est extrêmement simple. C'est que ce n'est pas, c'est pas des preuves que vous voulez. Vous ne voulez pas vous en sortir. On vous amène une preuve. Oui, mais c'est pas, tu sais, à part bonne couleur, la preuve, hein? C'est pas, tu sais. Ou il n'y a rien qui dit que ça va être bon pour moi aussi. Ou encore, oui, mais moi, je suis pas le même genre de. Ou ça marchait, mais tu sais, en tout cas, bref. On va en amener plein. Écoutez, pour traverser l'autre côté, il ne faut pas reprogrammer vos égos. Il faut que vous traversiez sans les égos. Donc, c'est pas après, c'est pas, attendez pas ce qu'on vous amène 2000 preuves de la même affaire pour impressionner suffisamment l'ego, pour contrebalancer la contre-impression. Après ça, vous allez dire, bon, mais mon ego maintenant, il veut y aller. Ça marche pas comme ça. Veux-tu être bien? Lâche. Lâche quelque chose. On est au Québec. Je sais pas si vous le saviez, là. On est présentement près de Fort Chimo. tout cas, je mets le faux température. Et on vit bien. On n'est pas en Bosnie, on n'est pas en Afrique du Sud, on n'est pas au Guatemala, on n'est pas dans aucun de ces pays-là. On n'a même pas de préoccupations primaires. Non, non, non, même pas. On a tout. Bon, ouais. Les gens, ils se préoccupent de savoir s'ils vont recevoir le chèque du bien-être le 26 ou le 27. Ouais. Ils vont le recevoir pareil. C'est à peu près à la limite de la préoccupation sociale humaine. Donc, bon, le stress. Et puis encore, va-t-il y avoir cette bière quand on va avoir mon maudit chèque, tu sais, au découle, plus au dépanneur, tu sais, les besoins primaires. Bon. Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est... Il n'a pas de besoins primaires. On a des logements. Alors, qu'est-ce qu'on attend de bord pour avancer, pour sourire un peu, c'est essayer de s'en faire puis lâcher? C'est ça l'idée, là. Ben là, je peux te poser. Si tu étais en Bosnie, là, tu vas dire, oui, mais là, on peut pas commencer à faire ça, on va se faire tirer. Parce qu'on veut pas s'en sortir. Parce qu'on veut se faire tirer, les gens veulent pas. C'est sûr que les gens veulent pas. On peut pas vouloir. Combien d'énergie placez-vous, honnêtement, par jour pour qu'effectivement, ce que vous visionnez, ce que vous voulez vivre, apparaisse? Je parle pas de placotage. D'énergie pour réaliser des choses. Oh, oui, ouais. Je vais vous donner un exemple. Moi, je connais du monde qui me dit souvent, « Ah, faut que j'aille là ce soir, c'est une sortie. J'ai pas besoin de quelqu'un, mettons, d'aller jouer au badminton avec lui. Tu sais, mais j'ai pas le goût. » Des quoi, elle me dit, « Ah, oh, de toute façon, on va y aller pareil. De toute façon, quand on est rendu là, je vais être content d'être rendu là. » Tu sais. Quelle belle perte d'énergie. Non, mais une chance. Non, mais au moins, elle sait. Ouais. Fait qu'elle se le dit. « Ah, oh, je vais y aller pareil. De toute façon, je sais, me connais, mais être content quand on est rendu là. » Y aller, il fallait fort. La personne, elle sait qu'elle va être contente, elle sait qu'elle va être bien, elle s'en rappelle chaque fois, puis à chaque fois, c'est le temps qu'elle sort, puis à chaque fois, elle se met à chialer, chaque fois, elle n'est pas sûre. Puis là, une chance, elle serait capable de se raisonner pour se dire, « Ah, de toute façon, on va être content rendu là-bas. » C'est la même chose des fois, là. Ça me fait rappeler, à Montebello, pour les fins de semaine, là, il y en a qui anticipent ça, là, un mois d'avance, là. Ouais. Ils chialent, ben pas ils chialent, mais ils perdent de l'énergie. Ils sont sûrs que quand ils vont être arrivés là, c'est bien, bien correct. Bon, ça, c'est fréquent. 3, 4, 5 jours avant, c'est la panique. Plusieurs, ils dorment, ils ne savent pas s'ils viennent, puis rendus là-bas, tout va bien. Ils ont mal au cœur, la fièvre, tout ça. Puis l'expérience qu'ils ont, c'est que là-bas, tout va bien. Puis à chaque mois, ils recommencent leur crise de bébelle. Ouais. J'y vais-tu pas, mais je sais pas, l'astral frappe dur, puis là, d'un coup, mec, gaga. Puis ils savent qu'ils sont bien rendus là-bas. Quand je vous dis, vous voulez pas être bien. Pourquoi c'est lent? Pourquoi ça avance pas? C'est pas à cause de Daniel Kim, parce qu'il pousse pas assez. Vous voulez pas vous en sortir. Bon, puis il y a des petites lumières en dedans qui veulent. Bien, ces lumières-là, on vous donne le devoir de les réchauffer un petit peu, mettre un peu plus de carburant, pomper un peu, et puis vous arranger pour être plus dynamique. Puis la façon de le faire, c'est que quand vous n'êtes pas dynamique, bien, soyez-vous devant un miroir. Je sais que vous détestez d'ailleurs toute forme de miroir qui vous permet de vous voir clairement. Ça peut être un être humain, ça peut être un mur, ça peut être un vrai miroir. Un vrai miroir. Puis observez-vous, c'est le plus vrai miroir des miroirs, c'est un autre être humain. Ça, c'est le pire. Juste avoir le corps physique, c'est pas évident que tu vas aimer ça. Mais si en plus, faut que tu te vois le corps astral, là, pas évident vraiment. Fait que tu te maquilles le physique, tu te maquilles aussi tout l'ego, tout l'astral, ben, ouais, donc des personnalités par-ci, par-là. Puis il faut que tu entretiennes après ça ce que tu penses, que ce que les autres pensent de toi. Comme moi, je connais quelqu'un qui restait dans une chambre. Il n'y avait pas d'endroit pour recevoir ses amis. Là, il a déménagé dans un 4,5. Puis, il n'y a pas plus d'endroit pour recevoir ses amis. Mais c'est parce qu'il ne veut pas avoir d'amis. Il ne veut pas recevoir ses amis. C'est il ne veut pas recevoir les miroirs. Mais non. Puis, en plus, le gars est dans un 1,5. Puis, il veut recevoir des amis. Mais ses amis ont toutes des maisons. Il y a un qui allait les recevoir chez eux. Ouais. Il y a un qui allait les voir. En plus. Mais il va pas plus. Mais c'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. Ça, c'est encore un... C'est que les gens ne veulent pas. Un amancheux de raison. C'est vrai que la personne seule va finir par manquer d'alimentation, manquer d'énergie. C'est tout vrai. Mais là, maintenant, tu vas lui suggérer quoi faire, mais elle le fera pas parce qu'elle veut pas. Ben le non. Problème, c'est qu'elle ne veut pas. Le problème, c'est qu'elle est bien dans la merde. Il y a quelque chose chez elle qui aime pas ça. Je suis d'accord. C'est évident. Parce que si elle fait ça, obligatoirement, ça va changer. Si elle est capable de se rendre compte qu'effectivement, elle est assise chez elle dans son 4, dans son 8, dans son 15,5, puis elle se dit, si j'invite pas plus de monde, ben oui. Donc, je ne veux pas en inviter. Tu sais, ben quelque part, si observe, tu sais, admet, rends-toi compte. Puis après ça, la question qui va suivre, alors veux-tu rester tout seul tout le temps? Veux-tu avoir une contre-réponse qui va être non? Alors, fais quelque chose! Hey, c'est ça. Tu vas dire, bon, mais m'a appelé quelqu'un. Ah oui, mais là, ça veut pas, ça veut pas. T'arrêtes. Tu vois, astille, je veux pas. Mais c'est bien évident quand je veux pas. Je suis même pas capable d'appeler quelqu'un. Parce que ça me dit, bon, mais d'un coup, tu me déranges. D'un coup, qui est pas là. T'sais, imagine-toi. T'sais, tu prends le téléphone, puis là, ça sonne un coup, puis un deuxième coup, puis un troisième coup. C'est d'un coup qui est pas là. Il raccroche, il raccroche. Non, mais t'sais, d'un coup, t'es pas pour appeler. Ouais. D'un coup qui est pas là. C'est même tout ce qui pourrait arriver, ce serait pas là. Fait que, t'sais, on est des êtres humains prudents. C'est pas pour appeler d'un coup qui est pas mais là. Encore mieux que ça. Moi, la personne que je connais, là, qui a déménagé, là, lui, s'est juré de ne pas avoir de téléphone. Fait que, comme ça, il y a de la place, mais il n'y a pas de téléphone. Ah, ben c'est ça. Voilà. Ah, et c'est une personne pas. Qui est bien équilibrée, qui est normale. Oui, oui. D'accord avec ça? Oui, oh, oui, je suis d'accord. Je le connais bien. Ouais, je sais que je le connais bien. Mais tout ça parce que mais c'est important d'être capable d'admettre que vous ne voulez pas. OK? Il y a une partie de votre constitution, l'intelligence, là, elle veut, elle désire. On est d'accord. Mais vous, là, ah, vous ne voulez pas. Vous faites tout à l'inverse. Je ne sais pas si j'ai bien fait de les inviter. Hein? J'espère qu'il ne restera pas trop tard. Ah ouais. Il y en a d'autres qui font pire que ça. Et on ne peut pas les inviter. Et qu'est-ce pourquoi? Ben, j'ai pas de coke. J'ai rien à leur offrir à boire. Ah, effectivement, effectivement. T'sais, les autres, ils pensent qu'ils vont visiter un dépanneur. T'sais, ils viennent chez vous pour prendre du coke. Mais c'est exactement comme ça. Toutes les hosties de raisons sont bonnes, mais pour camoufler le fait que vous ne voulez pas vous en sortir, vous ne voulez pas améliorer la situation, vous ne voulez pas que ça change. Alors, mais vous ne voulez pas le voir. Alors, ce qui fait que toutes les raisons, on va trouver plein de maudites belles raisons pour expliquer que ce n'est pas nous autres. Non, mais n'empêche, c'est vrai que ça se pouvait qu'il ne soit pas là. Bon, c'est vrai que ça se pouvait que j'ai dérangé. C'est vrai que ça se pouvait que peut-être qu'il va venir, mais qu'en réalité, il n'aura pas voulu venir. C'est vrai que peut-être il aura voulu du coke, peut-être qu'il va penser de moi, parce que ce qu'il pense de moi, je m'en crisse, mais ce que je pense qu'il pense de moi, c'est important. Peut-être que là, il va penser que moi, je ne sais pas recevoir. Parce que je n'ai pas offert de poison. Puis moi, c'est tellement plus simple. C'est Noël. J'invite quelqu'un à souper. J'ai juste du spaghetti. On mange du spaghetti pour Noël. C'est pas content. Il y a rien qu'à les manger ailleurs. Mais ça ne marche pas toujours avec l'entourage. Ah non. J'ai même déjà invité du monde à manger des salades au beurre de pinot. C'était du bon beurre de pinot. Avec du pain blanc. Non, du pain, non, pas du pain blanc, c'est du pain brun pâle. Puis apparemment, c'était pas... Mais pourquoi? C'est toutes les idées. Bon, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voulez pas vous en sortir? Mais on se compte pas nécessairement des mensonges. C'est juste qu'on le voit, on le voit pas. On se compte pas des mensonges, mais on fait tout pour pas voir la vérité. On fait tout pour pas le voir, c'est ça. Alors, c'est évident qu'à un moment donné, si je dis à quelqu'un, écoute, toi, ton problème, c'est ça. Toi, c'est ça. Toi, c'est ça. Bon, c'est ça. Dis donc, je suis fou. Dis donc, je suis folle. Sacrement. C'est vrai que tu te fous de ce que je dis. T'es encore en train d'écouter ce que tu penses que ce que je dis. Je pense pas que t'es fou. Je pense pas que t'es folle. Je te dis que toi, t'aimes ça te moucher. T'aimes ça te moucher pour rien. T'as tout un gros nez, là, t'as mal au nez sans arrêt, là, tu te plais sans arrêt que t'as mal au nez, là, puis tu continues toujours à te moucher. Moi, je t'ai dit, quand tu viens chez moi, là, mouche pas. Laisse couler un petit peu, tu sais, t'essuie un peu, puis quand c'est plein, là, tu vas aux toilettes, tu fais bouf, bouf. Mouche-toi pas. Là, on va dire, t'es-tu malade, m'avoir de l'air de quoi? Moi, je m'en fous. C'est la solution pour que tu passes une heure sans te moucher, puis que t'as le nez plus gros que ta tête. C'est la solution. Alors, je ne penserai rien de toi, je te dis que ça ne me dérange pas. Ah non, vous allez agir en fonction de ce que vous pensez, que m'a pensé. Vous allez continuer. En réalité, je devrais vous fournir du papier sablé. Mais c'est un fait. Tu ne veux pas t'en sortir? On revient à la théorie du saut, du soutien. Ben oui, c'est ça. Faut que la personne souffre plus. Veux-tu qu'elle cesse de se moucher? Donne-lui du papier sablé. Après trois ou quatre mouchettes là-dedans, elle ne se mouchera plus. Là, on va dire, oui, mais là, je vais faire bout, mais c'est parce que j'ai plus le choix. Tant qu'elle peut avoir le choix maintenant, que t'as le nez de même, t'aurais pu faire comme si t'avais pas le choix, il y a deux heures, ou il y a deux jours, parce quand t'avais le nez plus petit. Parce que c'est l'inconvénient de toi, ta méthode à toi, là, c'est ça. c'est que ça te donne toujours du temps, là. Alors que si on avait plus ou moins le choix ou un échéance... Oui, c'est parce que ma méthode à moi procède par l'intelligence, par la paix, ouais, mais ça, c'est la douceur. Au départ, on n'est pas intelligent. Ce que personne sur la planète veut avoir. Les gens sur la planète, ils veulent que ce soit compliqué, que ce soit souffrant. Ah, c'est quand quelqu'un va dire, « Non, non, moi, je déteste les choses compliquées! » Regarde-la aller, tu vas voir qu'elle est extrêmement compliquée. Et pourquoi qu'elle déteste ça? C'est parce qu'elle ne veut pas être confrontée à un miroir. Donc, elle va rejeter apparemment les gens compliqués et elle va être, elle, extrêmement compliquée. Et vous aimez ça? Le moindrement que je donne des solutions simples, faciles, agréables, il y a des gens qui vont essayer, ils vont le faire un petit peu. Après ça, ils vont s'auto-punir l'heure qui suit, ou la journée ou la semaine qui suit. L'année. Il y en a qui viennent la fin de semaine des chefs, sont heureux, barbouillés, enthousiastes, impeccables. Trois jours après, ils sont claqués, ils sont sur le cul. Là, ils se disent, c'est peut-être à cause de la fin de semaine des chefs. Non, c'est parce que tu es en réaction allergique, tu ne veux pas être bien. T'sais, observe, tu ne veux pas être heureux. C'est simple. La personne va dire, ben oui, mais quelque part en dedans, je veux être heureux, certain. Oui, mais là, il faut que tu admettes au départ que toi, dans le grosso modo, dans ce qui contrôle la chose, toi, tu ne veux pas l'être. Parce que tu ne l'es pas. Tu t'organises pour ne pas l'être. Tu t'auto-flagelles. Hein? C'est la spiritualité, mais c'est ça. Il faut que les individus puissent en prendre conscience et se l'admettre. Parce qu'ensuite, sachant d'où vous partez et où vous voulez aller, vous allez être capable de comprendre les marches. Si vous dites non, je ne suis pas ça, non, je ne suis pas ça, non, je ne suis pas ça, vous pensez là, puis qu'on vient vous dire la solution est ici, vous allez dire, oui, non, non, tu es bon l'autre. Je ne me rabaisserai pas à ce niveau-là. Mais non, et vous ne changerez jamais non plus parce que vous pensez là-bas, parce que ce n'est pas là que vous êtes. J'ai une chance que Jacques Dussault, c'est pas lui qui m'interviewe aujourd'hui, parce que là, il rirait de moi en maudit, tu sais. Parce que ça fait longtemps que je sais, fondamentalement, que l'être humain doit passer par un étau, extrêmement serré, on l'écrase, là, pouf, là, il est conscientiste. Et je sais très bien que l'être humain a, en consistance, suffisamment de base de mécanique pour être capable de traverser la barrière sans passer par l'étau. Mais ça, Jacques, tout le monde est d'accord avec moi. Ce que Jacques il disait, c'est Daniel, tu as raison, mais il n'y en a pas un Christ sur la planète qui peut le faire, à part moi. Et moi, j'obstinais. Au moins qu'ils veulent le faire. Ben, ils veulent pas. Donc, ils peuvent pas. Un plus un fait deux, mais l'inverse aussi. Un plus un aussi. Parce que c'est comme un extracteur à jus. Ça tourne, puis... Le jus, c'est pas évident. OK, c'est comme un extracteur à jus. Ouais, avec le jus qui n'est pas évident, l'extracteur non plus. L'extracteur non plus. Par contre, l'humain a dans son infrastructure ce qu'il faut pour être capable de recevoir suffisamment d'étincelles d'intelligence, pour être capable de comprendre qu'effectivement, il y a le choix entre continuer d'une façon méritoire, même s'il ne veut pas, c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il aime, ou faire l'effort. Je répète, le chemin que vous suivez actuellement est un chemin qui ne demande pas d'effort. Et le vrai chemin va vous nécessairement vous demander des efforts. Puis les gens qui ont comme argument ou comme concept ou comme principe de dire que quand ça demande des efforts, moi j'aime pas ça ou je ne veux pas, vous êtes des perdants d'avance. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous devez ramper pour sortir pour le feu, là. Vous décidez que c'est debout. Mais debout, vous allez mourir asphyxié. Bien simple. C'est pas une question de est-ce que mon ego, ça lui plaît. C'est pas l'ego qui va passer. Moi, je vous dis qu'il y a un problème. Alors voici une solution. Appliquez-la. Vous me dites un instant. Faisons une réunion d'un an ou deux et voyons s'il n'y aurait pas d'autres solutions. Ben, moi, je vous le dis, à un moment donné, j'ai fait des réunions avec vous, là, mais à un moment donné, moi, je ne fais plus de réunions. Comme tout à l'heure, je disais, je ne peux pas être plus intolérant. Tout ce que je peux faire, c'est de dire, voici une chose, elle est douce, elle est agréable, elle est belle, elle est correcte, et elle est applicable immédiatement pour les personnes. Alors, on l'a fait. Alors, ceux qui la font, puis les autres, bien, les autres, on les laisse là pour mort, puis on s'en va, puis ça finit là. Je ne peux pas être rien d'autre. Fait que la personne qui veut suivre ne peut pas suivre un maître. Le maître, il s'en est parti. Alors, il faudra qu'elle se prenne en main tout seul. Et si je suis intolérant, les gens vont simplement finir par être des disciples. Et ça, je n'ai pas la constitution pour être un maître, donc c'est impossible. Mais c'est très, très important de comprendre les mécaniques que je parle aujourd'hui, puis de comprendre clairement de quelle façon l'être humain, donc vous, travaillez à ne pas vous en sortir. C'est évident que pour combler des lacunes psychologiques, pour combler des jeux de conscience, vous allez de temps en temps faire un petit effort, un tout petit effort par là. Après ça, vous allez vous auto-flageller suffisamment pour payer le prix. Fait que là, vous dites, tu vois, quand je fais des efforts, après ça, là, je perds la mémoire deux semaines. Ou je suis claqué pour un mois. C'est pas l'effort le problème. Le problème, c'est que l'effort, c'est une démarche qui va vous amener à vous en sortir. Comme vous ne voulez pas vous en sortir, bien, vous allez tout faire pour vous convaincre que c'est l'effort le problème. Si vous rampez, moi, je vais ramper. Il y a un paquet qui vont ramper. Puis celle qui ne veut pas ramper, la personne, elle va ramper en se traînant ses genoux à terre. Puis rendu là-bas, elle va nous dire, « Regarde, j'ai les genoux en sang, là, tu vois pourquoi je ne voulais pas? » Elle n'est même pas assez consciente pour se rendre compte qu'en sang ou pas est sorti. Mais en plus, elle l'a fait exprès pour s'abîmer. Elle l'a fait exprès. Mais ça arrive souvent, ça. Mais ils font que ça! Comme ça. Ils font que ça! C'est une preuve vivante que ça ne fonctionne pas. Ben, sauf qu'elle oublie qu'elle s'en est sortie. Mais en réalité, c'est une preuve que tu ne veux pas. Et tout! C'est uniquement une preuve que tu ne veux pas. Moi, je parle aux gens qui mangent mal. Voulez-vous être en santé? Oui. Bien, cesse de manger ça. Il n'y en est pas question. Veux-tu être en santé? Oui. Mais en mangeant ça? Oui. Mais on est sur la terre, actuellement. Et en mangeant ça, tu n'auras pas la santé. C'est simple. Donc, ça ne sert à rien de dire, oui, mais en mangeant ça, tu t'empoisonnes. Alors, veux-tu être en santé? Oui, mange plus ça. Il y en a pas question. Veux-tu être en santé? Admets donc que c'est non. On aura déjà 90% du chemin de fait. Si ensuite, il y a effectivement une étincelle d'intelligence dans ta tête, tu pourras poser la contre-question. Veux-tu t'empoisonner? Elle va répondre non. Là, tu sais d'où tu pars. Tu veux, t'es bâti pour te tuer. Et nécessairement, le moindrement que vous aurez des changements à faire, cela va nécessiter des efforts. Il ne faut pas être allergique aux efforts. C'est nécessaire. C'est essentiel. Puis l'effort, quand elle est faite par une intelligence qui ne devient pas le jeu de son astral, n'épuise pas. Elle énergise. Il y a du monde qui, à un moment donné, vont faire un peu de conditionnement physique. Comme il y en a qui sont inscrits au cours d'Ardem. Et puis après une semaine, bien là, ils vont, deux, trois jours après, ils sont-ils traqués, ils ont mal partout. Et là, ils en déduisent qu'ils ne sont pas assez en forme pour se mettre en forme. Donc, ils peuvent pas, tu sais, intelligemment, là, je ne peux pas suivre des cours d'Ardem. Parce que, tu sais, je suis pas assez en forme pour me mettre en forme. Tu comprends? C'est intelligent. Alors que c'est pas vrai. C'est parce qu'elles ne veulent pas se mettre en forme. Parce que intelligemment, si tu es passé en forme pour te mettre en forme, c'est qu'il est temps en maudit que tu te mettes en forme. Tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas penser à ce que les autres pensent de toi et de faire tes cours à ton rythme, à toi. Ah oui, mais les autres, ils vont tout penser que j'ai ralenti, ils vont tout trouver que c'est ça. Occupe-toi de ce que tu penses que les autres pensent. Si toute la classe te dit « ça ne nous dérange pas », mais vous êtes assez intelligents, vous autres, pour savoir que c'est une gang de style menteur. C'est bien évident. Mm. Ce qu'ils pensent, eux autres, vous en foutez. Ce que vous pensez qu'ils pensent, qui compte. Tout ça fait en sorte que les solutions que moi j'amène sont des solutions qui sont très applicables, mais apparemment... Puis on prend, l'humain pas prêt, prêt, on prêt. Prend les éléments de solution que toi t'amènes qui font bien notre affaire pour qu'être sûr. Ben, ça veut dire que ces éléments-là, tu les appliques même pas. Et tu t'en sers, effectivement, pour te conter l'histoire de pipe que tu as réglé. Comme il y a des gens, à un moment donné, une personne, je vais lui dire. Mais il y a certains éléments qu'on ne prend pas parce que c'est ça qui, C'est bon. Ça, là. Moi, j'amène toute une idée, par exemple, de ce qu'il faut faire pour arriver à être mieux. À l'intérieur, il y a « on devrait être végétarien mm-hmm. ». Il y a une personne végétarienne qui entend ça, puis elle a dit « ah, ben tu vois, moi, je le fais déjà. » Je travaille de fusionner. Ben oui, parce que sur les 25 éléments, il y en a un élément ouais. qu'elle fait. Elle en déduit donc, elle le fait déjà. Tout. Ah, elle le fait déjà. Ça, c'est le problème. Puis, elle ne le fait pas déjà. Elle est végétarienne parce qu'elle est végétarienne. Mais elle ne le fait pas déjà. Puis elle retient rien que cette partie-là. Ah, non, elle pense qu'elle fait le reste. Elle est végétarienne. Ah oui, c'est évident. Fait que là, moindrement qu'on va y expliquer qu'elle n'est pas correcte, qu'il y a effectivement des lacunes là, qu'il y a des choses qu'elle devrait changer, elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas ses problèmes. Elle ne voit pas ça. Mais non. Puis si vous commencez à insister, elle ne voudra plus vous voir non plus. Les miroirs. Vous ne voulez pas en rencontrer. Quand les gens vont dire, par exemple, « J'aime ça quand tu nous brasses. » Tout à l'heure, il y a une personne qui me dit, « Hey, Daniel, brasse le monde! » Elle dit, « Parfait, brasse le monde, hein? Pas toi, les autres. » Ben, évidemment, c'est une personne intelligente. Elle dit, « Non, moi aussi. Ben, » oui, c'est sûr. Elle n'était pas pour rire. Il fallait que Stéphane... On a ri quand même, tu sais. Parce que moi, je ris. Mais d'ailleurs, c'est pourquoi ça. Pourquoi les égos aiment ça quand on les brasse? Moi, j'ai remarqué... Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Exact. Parce que Si je brasse un peu, là, par là, ça fait brasser vos égos. Une bonne stimulation de vie, vos égos sont tout contents. Oui, donc, c'est bien. Mais si on parle de ce qui devrait cesser d'être, de ce qui devrait être appliqué... C'est pas pareil. Là, c'est pas aussi intéressant. Non. C'est pour ça. OK, là, je comprends. Oui. Les gens je comprends pourquoi ça. Toi, tu vas pas dans la rigidité. Là, je le comprends. Parce que c'est ça. Ils vont être les disciples, ils vont être carrément dans leur bonheur complet et total. Un, ils vont être sécurisés. Mais c'est pas évident que plus on les compresse, plus il va sortir quelque chose. Il faudrait les compresser d'une façon extraordinairement tyrannienne. Ouais, mais... Non, mais c'est pas moi, c'est évident. Non, Dieu va se changer. Mais moi, je n'ai pas genre à ça. Non, mais... parce que... En tout cas, j'ai encore 4-5 ans pour... pour moi. Non, mais pas toi, c'est pas ça. C'est parce que, là, je parlais à quelqu'un d'autre. Mais disons, grosso modo, c'est j'ai encore quelques années pour... pas pour les convaincre, pas pour prouver, pas pour vérifier, mais disons, il n'y a pas de terme humain pour le dire, mais pour voir, mais ce n'est pas le bon terme, si effectivement l'humain est capable de transcender autrement que par la souffrance. Okay. on me laisse encore quelque temps pour pouvoir essayer de faire en sorte que certaines personnes transitent le sourire aux lèvres. Parce que je suis à peu près le seul dissident qui croit que l'humain peut... avancer dans la joie. C'est une base volontaire? Oui, c'est une base volontaire. Ah oui, absolument. Tu ne peux pas être heureux si ce n'est pas une base volontaire. Non, c'est ça, mais c'est parce que ça me... C'est ça, mais c'est bien. Parce qu'ils sont tous en train de rire, tu sais, mais... Ils rient de toi avec ta théorie. Non, ils ne rient pas de moi, ils rient de la théorie. Ils rient de la théorie. Fait que c'est... Non, mais l'humain a tout ce qu'il faut, sauf que... Ils n'ont pas l'air à y croire. Ni les humains, ni ceux qui ont traversé. Oh, mais faites-vous en pas, vous allez vous en sortir quand même, parce que si ce n'est pas moi qui arrive à vous aider, ils vont venir eux autres. Ils sont équipés. Ils ont des bulldozers, des marteaux, des chalumeaux, des lanceurs. Des centaines de nérons. Oui, des centaines de nérons. Et ça, c'est bien. Mais, parce que c'est ça, il faut absolument que l'humain comprenne rapidement que... Et puis moi, je suis en mode démarche, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font, des choses qui vont se faire. Je ne serai pas intolérant. Tout ce qu'il y a, c'est que moi, je suis de plus... Là, bon, ça fait depuis 1991 qu'on est sur un beau plateau. Le plateau tournait dans le sens de l'astral. J'ai expliqué dans ces années-là qu'il ralentissait. Puis à un moment donné, il est presque stable. Là, ça nous permet... Ça fait un petit bout de temps qu'il est arrêté. Ben, il est pas... Non, mais là, il est arrêté. En train, il est arrêté. Mais il était très, très, très ralenti. Oui. OK? Et là, ça me dégage complètement de mécanique astrale. Même en chaise roulante, on pouvait débarquer. Exact. Avant, on était accolé à notre vie par la force centrifuge du plateau. Maintenant que le plateau est arrêté, ben, on n'est plus accolé nulle part. Tous ceux qui ont suffisamment d'intelligence peuvent maintenant se déplacer et prendre de la Lada, prendre une Rolls-Royce. On peut changer un peu de vie. Et lentement, le plateau va se remettre à retourner, mais dans deux sens en même temps. Dans un sens d'intelligence, où là, tu vas être maintenant confiné à ce genre de vie qui est ta vie d'intelligence, qui t'amène vers ce futur-là. Et dans un autre sens en même temps, qui reprend le sens de l'astral. Mais moi, c'est évident que je change de place. Et évidemment, et ceux qui changent, qui peuvent changer, ils viennent changer, mais je ne peux pas amener personne. Mais je suis trop poli pour arracher quelqu'un à sa misère. La personne, elle est là, elle aime ça. Ta théorie. Non, c'est pas respecter ma théorie, respecter la personne. Elle est dans la misère, elle aime ça, elle en vit, elle en sert, elle en parle. C'est sa vie. Je peux pas arriver puis l'amener dans un monde de bonheur. Il faut quand même respecter. Il y a quand même beaucoup de personnes que moi je rencontre quotidiennement qui sont conscientisées et puis qui ils veulent pas changer. Ils sont conscientisés, ils sont conscientisables, mais ils ne sont pas conscients encore. Ils ne sont pas conscients encore. Non, mais c'est sûr qu'ils ne veulent pas changer. Alors moi, ce que je fais, puis là, c'est évident que, bon, la démarche a commencé depuis quelque temps, mais ça va aller en amplitude, avec des portes ouvertes pour les individus, mais il va falloir que les individus le fassent ou ne le fassent pas. Et à un moment donné, ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que tu avances, quand quelqu'un va dire « Hey, moi, maintenant, j'aimerais ça, là ». Bien, on va être ici à ce niveau-là, tellement à ce niveau-là, qu'on ne pourra pas venir te chercher là, parce qu'on va te brûler. Alors, est-ce qu'on va établir des démarches ascensionnelles? Présentement, ce n'est pas... pour moi, ça se peut qu'on en établisse, parce que je suis de fondamentalement un pédagogue, donc il y a des chances que je laisse des traces. T'sais. La personne, je lui dis, bien, écoute, passe par là, si tu survis, passe par là. Parce qu'une dose de bonheur, il faut y aller doucement, parce que le choc... Alors, si elle survit à ça, elle peut monter à là, elle peut monter à là, elle peut monter à là. Quelqu'un, par exemple, qui est malade, qui est guéri subitement, il peut en mourir. Ben, c'est évident. Ben, c'est évident. Bon, quelqu'un qui subitement est bien, là, et quelle angoisse. Non, mais écoute... Il y a un vide total. Ben, c'est ça le mot du problème. Avant, tu étais entouré par l'astral, puis tu en as plein d'affaires, puis subitement, il y a... Là, ta vie n'a plus de sens, et puis il se passe plus rien. Ça vient. C'est rien. Là, on vient jouer avec nous autres. Oui, mais l'instant, le PlayStation, ici. Satan! Tu recherches ceux que tu aimes. Mm. C'est comme celui qui se conscientise chez eux, puis il attend que toi, tu ailles le chercher. Bien, c'est la même chose. Après ça, il trouve que je prends mon temps. Je prends pas mon temps. Mais non. J'y vais pas. Et c'est qu'à lui, à se bouger, là, sortir de chez eux, puis venir te voir, puis toi, tu le reçois. Oui, sauf qu'il vient me voir, et puis je le reçois. C'est pas vrai, ça. Oui, la personne qui vient me voir va être reçue. Et peut-être qu'elle n'aimera pas ça. Parce qu'elle ne se conscientisait pas. Ah, ben c'est parce qu'elle vient se planter devant un miroir, puis après ça, elle essaie de me dire, écoute, t'as un petit peu, le gars, mets un peu de rouge à lèvres ici, là. Mets un peu de bleu là. Bien là, maintenant, là, tu me réfléchis mieux, là. Avec moi, ça ne marche pas. Avec moi, mon moitié tout ça, là, m'a dit, non, regarde, tu ressembles à ça. Là, m'a insulté à personne, on va s'en aller. C'est, je les reçois. La personne qui vient me voir en me disant, écoute, moi, j'ai tout compris. Moi, je vis d'amour intelligent. Je monte en amour chaque fois que je vois quelqu'un. Ouais. C'est possible, là, mais attends un peu que j'ai suivi le miroir un petit peu, là. Puis là, tu vas probablement te pousser en courant. Et évidemment... Daniel Kem, qui a amené l'idée de l'amour intelligent sur la planète, il ne comprend rien de ça. C'est ça que la personne va en déduire. Moi, c'est pas pareil. Ben, c'est évident. Toi, non, mais l'autre, c'est ça. Non, c'est ça. Ah, oui. Lui, ce qu'il va dire, c'est « moi, c'est pas pareil ». Et ça fait un autre, ça fait partie encore de toutes les maudits cercles vicieux dans lesquels l'humain reste pris là, sans arrêt. Ça part dans des schémas où c'est sûr que le miroir, là, il est disparu. Comment un psychiatre peut-il soigner des personnes pendant 5-6 ans, par exemple, de paranoïa? Puis à un moment donné, lui, il commence à avoir peur de tout le monde. Mm. Puis quand son collègue va lui dire, hey, écoute, tu as besoin de repos, tu souffres d'une petite crise de paranoïa, le gars va dire, hey, 6 minutes, là. Moi, je ne suis pas paranoïaque, OK, là. Moi, je sais que Tabarnouche, il a le même discours que tous ceux qu'il a rencontrés, puis il n'est pas capable de se rendre compte qu'il a le même discours des gens. Ce qui vous arrive. Vous reconnaissez la manipulation chez autrui, pas chez vous. Vous reconnaissez les manipulations des entités chez autrui, pas chez vous. Vous reconnaissez des faiblesses chez les autres, pas chez vous. Ah, vous en admettez deux, trois, il faut bien, parce que pour être dans le club des conscientisés, il faut au moins en admettre deux, trois. Mais c'est toujours les deux, trois. Qu'on les ait pas. Les deux, trois qui ne sont pas nécessairement... Non, qu'on les ait ou qu'on les ait pas, ces problèmes-là, il faut en admettre deux, trois. Fait que normalement, on s'entend pour admettre les moins pires. Tu sais, ceux qui ne dérangent pas trop. Ou ceux qu'on n'a pas, fait qu'un petit peu plus tard, on pourrait dire, bon, on a réglé ce problème-là. Ouais. On ne l'avait pas de toute façon. Mais c'est ça. Mais ça n'aura rien changé à ta vie. Ben non. Mais si on commence à vous parler de vrais problèmes, on perd des joueurs. Ou le gros problème. Ben, on perd le joueur souvent, plus souvent qu'autrement. Alors, il faut, pour être capable de rester debout, c'est admettre, ciboire, que vous aimez ça, le malheur. Admettez-le. Observez vos vies, admettez-le. Ça ne sert à rien de dire, non, un instant, si je dis oui, là, après ça, là, mais vous allez penser que, c'est ça, être branché sur ce que vous pensez, que les autres pensent de vous autres. Que je pense que vous êtes imbécile, que vous êtes des imbéciles ou pas. Vous allez attendre que je pense plus ça pour avancer. Eh bien, vous êtes imbécile en maudit. Même si je le pense pour le vrai, vous n'en avez rien à foutre. Mais le pire, c'est que si je le pense pour le vrai, ça se peut que ça ne vous dérange pas trop. Mais si vous pensez que je le pense, ça peut vous déranger en maudit, par exemple. Il faut voir les subtilités de l'affaire. Vous vous foutez de ce que les autres pensent de vous. Vous allez dans un camp de nudistes avec, là, vous rencontrez un autre séminariste qui est là, vous arrivez en même temps. C'est pas ce que l'autre pense de vous qui vous intéresse. C'est ce que vous pensez qu'il pense de vous autres. Puis c'est la même affaire pour les deux bords. C'est une grosse perte d'énergie. Quelle belle vie, quelle évolution. Oh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est une énorme perte d'énergie. Moi, je te dis, la planète Terre, c'est probablement... Ça marche comme des fonctionnaires, tous les humains. C'est un gros ministère. Ah, c'est un gros ministère. Le ministère de la marde. Le ministère de souffrance. C'est des fonctionnaires. Tout compliqué, puis compliqué, puis compliqué, avec des rapports, puis des ici, puis des avant, puis avant de bouger quoi que ce soit. On sait que c'est pas correct, mais c'est la procédure. C'est la vie. C'est la procédure qu'il faut aller. Mais on sait que c'est pas correct. Mais il n'y a pas un qui va se lever debout pour dire, ben non. Non. Moi, je vais m'en aller en douce. On en parle, tu sais, mais... Ben, en douce. Non, ben, ça va faire suffisamment de bruit, là, mais... en douce. Mais... Non, c'est-à-dire que c'est évident qu'on va parler, mais moi, ce que je veux faire, c'est que... Il y a des points que je vais amener, et puis quand je vais considérer que ça doit être appliqué, quelques temps après, je vais amener d'autres points qui doivent être supportés par l'application des premiers points. Des premiers points. Puis à un moment donné, ben, si je me rends compte que les gens ne suivent pas, bien, on va restreindre l'ascension au groupe de ceux qui travaillent. Puis, on fera des petites conférences énergisantes un peu. On fera une autre démarche, peut-être même qu'on n'en fera plus. On verra. Mais c'est évident que l'information pour continuer à avancer, bien, je vais devoir la réserver uniquement à ceux et celles qui avancent. Quand tu dis « on va restreindre l'ascension », on, là, c'est qui, ça? Ou c'est quoi? Ou c'est... C'est tout moi. C'est tout toi. J'ai une question. Moi, en tout cas, on va restreindre l'ascension. Là, je vais rester là-dessus. Là, mais... Je vois ça. Oui. Force-toi, tu ne resteras pas là. Non, c'est bien. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller trop vite? Non, ça veut dire qu'il faut faire les choses... Comme moi, je vais expliquer qu'il faut les faire, puis comme ton intelligence va t'expliquer qu'il faut la faire. Mais la problématique, c'est que les êtres intelligents peuvent reconnaître ton intelligence. Okay? C'est plus sûr. Sinon, ton ego peut penser qu'il est intelligent. D'où l'importance d'avancer en groupe. D'où l'importance de ne pas se créer des ghettos de conscientisés. Parce que là, on crée des ghettos homogènes. Puis dans l'homogène, bien, tous ceux qui ont les mêmes problèmes, ils se mettent ensemble parce que vu qu'on a tous les mêmes problèmes, bien, on est tous normales. Il n'y a pas de miroir. Fait qu'on ne les voit pas les problèmes. Fait qu'on est tous bien. On est tous bien. Puis là, on ne veut pas être avec l'autre groupe parce qu'avec l'autre groupe, tu te rends bien compte, c'est une gang de ci, une gang de ça, une gang de ça. C'est que l'autre groupe étant hétérogène par rapport au tien, tu te découvres. Fait que nécessairement, tu vas détester les autres. Parce qu'ils sont trop ça, trop ça, trop ça, trop ça. Tu réagis à ça, toi, là. Donc, tu as tes problèmes à toi. Mais c'est pas le... Non. Si on les élimine toutes, là, j'ai plus de problème. C'est ça. Élimine le miroir, puis subitement, t'es beau. Pas de problème. Faut aussi décorer le miroir, subitement, t'es beau. Mais dans la réalité, tu restes ce que tu es. En tout cas, on fait encore faire une pause.